ça. Mais on les transfère, sont malheureux, point de leur terre. Tu devrais les plaindre, j'ai la misère. C'est les vautours dont il faut te méfier. Ils se tournent autour et sont sans pitié. Ils sont comme nous, ils nous ressemblent trop. Ils regardent ton goûter, veulent te le bouffer. Passe-moi le pain, évite qu'il s'en sorte.